La nuit sous les stars sont grises, dans le jour les femmes noires du grand pas se prient pour des souris. Ma peau est belle, elle est noire comme la nuit, et comme disait ma femme Léna, elle est plus belle que toute la vie du Venezuela. Dieu l'a créé pour les hommes, le frère de terre. Être noir est un fou, on n'a pas de vie, on n'est pas des fous. L'homme blanc n'est pas si blanc, être bon n'est pas de ces grands blancs. Noir blanc c'est pour le bon du vivant Dieu, sans aucun doute Dieu a créé.